Troisième temps donc de notre série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la crise de 2007-2008. Aujourd'hui, le débat, quel rôle a joué l'Europe dans cette gestion de crise ? Après avoir filé la comparaison entre crise de 1929 et crise de 2008, lundi dans notre émission avec Pierre-Cyril Aucœur, puis hier avoir exploré le rôle des banques dans cette même crise, et avant demain de nous arrêter dans le documentaire qui sera désormais diffusé, sachez-le, chaque jeudi dans la Fabrique de l'Histoire, sur le cas islandais, nous allons ce matin, dans cette émission co-animée par Anaïs Quien, qui a préparé toute cette semaine avec nous, nous arrêter sur le rôle de l'Europe dans la gestion de cette crise de 2007-2008 avec nos trois invités, Laure Kenwell. Elle est en duplex avec nous depuis les studios de Breizh-Izel à Quimper. Elle est directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Historique, et elle est auteure de La Place Financière de Paris au XXe siècle. Et elle a participé au dernier numéro de XXe siècle, la revue sur 1983, un tournant libéral qu'elle a co-dirigé avec Florence Descamps. Laurent Varlouzet est également avec nous. Laurent Varlouzet est professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Il est spécialiste des politiques économiques de l'Europe, et en particulier dans la mondialisation. Il est auteur récent chez Routledge de Governing Europe in Globalizing World. Un monde qui se globalise. Voilà, exactement. Vous êtes bien meilleur que moi en anglais. Et nous avons également Christian Chavagneux qui est avec nous. Il est éditorialiste à Alternatives économiques, dont le dernier numéro sort demain en kiosque et sous le titre « Faut-il encore avoir peur de la finance 10 ans après la crise de 2008 ?» Et il est auteur de « Une brève histoire des crises financières, des tulipes au Subprimes, aux éditions de La Découverte. Bonjour à vous Anaïs. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Laure Kenwell-Corr et merci d'être avec nous depuis Quimper. Bonjour. Bonjour Laurent Varlouzet, on vous a entendu puisque vous avez su prononcer le titre de votre livre en anglais à l'instant même. Et on vous en félicite. Vous n'avez pas simplement prononcé le titre, mais vous l'avez écrit en anglais, j'imagine, ce livre. Voilà, écrit en anglais, il a été corrigé par un relecteur parce que mon anglais est loin de satisfaire les normes académiques internationales. Voilà. Et bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Merci d'être avec nous également. On a bien raconté comment, depuis le début de cette semaine, comment cette crise avait débuté par une crise américaine. Comment cette crise de 2007-2008 devient-elle européenne ? Le système bancaire mondial est très lié. Tout ce qui concerne le système bancaire américain se traduit dans le reste du monde et notamment sur le système bancaire européen. Et donc les banques européennes, moi j'étais journaliste à ce moment-là, je suivais ça au jour le jour, on a vraiment cru que les banques européennes allaient s'effondrer comme le reste des banques mondiales. C'était ça le moment très fort de cette crise. Oui, d'ailleurs, j'ai regardé un peu ce que vous écriviez à l'époque. J'aurais dû faire ça aussi. Sur le site d'Alternatives économiques. Et on voit bien, à la faveur de la liste de vos titres, le surgissement, la surprise quand même aussi de ce qui se passe à partir de 2007. Mais malgré voilà, tout. Ça commence quand même en août 2007. Et là, on se dit, les banquiers centraux commencent à se dire, ça sent un peu mauvais. Va peut-être falloir qu'on aide ces grandes banques internationales à pas tomber. Et puis là, il y a ce coup de tonnerre, je dirais, de juillet, d'abord 2008, où la Banque Centrale Européenne nous dit, vous savez, il y a l'inflation qui commence à venir. Il faudrait peut-être qu'on restreigne le coût du crédit, enfin qu'on augmente le coût du crédit, qu'on restreigne un petit peu cette activité qui va trop vite. On est en juillet 2008, on est au bord d'une crise mondiale, ça fait presque un an qu'elle est en train de se développer, et notre banquier central européen nous dit il faut réduire tout ça, c'est quand même incroyable, à contre-courant total. Puis après, bien sûr, bon, c'est le 15 septembre, et puis la faillite de Lehman Brothers. Oui, alors, sur ce point, Laurent Varlouzet, vous avez consacré tout votre livre, dont je ne redirai pas le titre, parce que je suis incapable de le dire, donc sur la question européenne et le monde en train de se globaliser, cette mondialisation économique depuis 1973 et la crise de 1973, à la façon dont justement les politiques ont alterné, pourrait-on dire, les politiques européennes ont alterné à la fois une vision plus sociale du développement économique, une vision plus libérale, une vision néo-mercantiliste, etc. Et qu'il y a eu des politiques très variées. Depuis le début de la crise du pétrole, donc en 1973, jusqu'à cette crise des subprimes, qui se sont succédés, et peut-être pas une politique très, disons, lisible de l'extérieur, même par l'historien que vous êtes. Ah oui, tout à fait. C'est peut-être un parallèle qu'on peut dresser entre les crises des années 70 et même la crise de 29, puis la crise actuelle. C'est tous les possibles qui se révélaient après la crise, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Pierre Singer-Velloux et Quentin Deleu-Hermoz, l'histoire des possibles. L'idée, c'était de montrer dans le livre qu'après la crise de 73, on n'a pas eu un tournant ultralibéral automatique, comme c'est parfois écrit, mais qu'on a eu plusieurs options qui se sont présentées aux décideurs. Certaines ont été mises en œuvre. Donc, des politiques sociales, effectivement. Ça, c'est Willy Brandt en tête de liste. Voilà, il y a Willy Brandt, mais ça a même été en partie appliqué, même au niveau européen, avec la politique régionale. Il y a eu un peu de législation aussi sur, par exemple, l'égalité homme-femme, l'environnement. Et puis, dans chaque État, évidemment, un petit peu au niveau international, il y a eu des législations qui ne se sont pas mises en œuvre, comme, par exemple, les tentatives de contrôle des multinationales, un grand débat dans les années 70 qui reprend aujourd'hui. Et puis, il y a eu d'autres, évidemment, ce qui est le plus connu, c'était les politiques plus libérales. Voire l'élection de Margaret Thatcher. Voilà, en 79, Reagan, et puis après, le second choc pétrolier a fait beaucoup, effectivement. Anaïs Quin. Mais dans quelle mesure, Laurent Varlouzet, remontons un tout petit peu avant cette année de 1973, justement, les penseurs de cette Union européenne s'étaient livrés à un exercice d'histoire des possibles en imaginant ce qu'on pouvait mettre en place dans cette communauté économique en termes de réponse à des crises envisageables? Alors en fait, le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne, qui n'est pas la première organisation européenne, hein. Il y a eu la CECAM, il y a eu aussi le Conseil de l'Europe, il y en a eu d'autres, mais bon, disons que comme c'est l'ancêtre de l'Union européenne, c'est le traité auquel on se réfère, et qui d'ailleurs a toujours un impact dans notre droit actuel. C'est un traité qu'on appelait un traité cadre assez large, qui laissait une grande liberté, hein, aux décideurs économiques. Donc c'était plutôt un traité libéral, mais après, au sein de ce cadre, je dirais, libéral-capitaliste, il y avait plusieurs options envisageable, plutôt social, la possibilité d'avoir un fort interventionnisme pour soutenir l'industrie, pourquoi pas, ou plus libéral. Mais est-ce qu'on imaginait les crises déjà à ce moment-là? Alors oui, parce que le traité de Rome est né pendant une crise. On était au milieu d'une crise financière française, en fait, à cause de la guerre d'Algérie. La France avait besoin d'argent, a emprunté de l'argent aux États-Unis et même à l'Allemagne, début 57, alors même qu'on était très peu de temps après la fin de la guerre. Donc voilà, il y avait déjà... oui, on se posait les questions des crises. Par contre, le traité de Rome n'était pas prévu pour régler les crises financières. Ça, on pensait que c'était lié à d'autres organismes, le FMI, à l'époque l'UEP. Le traité de Rome était essentiellement commercial et puis agricole. Alors, Laure Kenwell-Corr, vous êtes spécialiste, vous, de la place financière de Paris au XXe siècle, et vous avez beaucoup réfléchi, justement, à la façon dont les responsables nationaux, en particulier français, ont réagi aux évolutions, pourrait-on dire, comme vient de l'expliquer Laurent Varlouzet, du contexte financier et monétaire international. Quand vous regardez sur les 40 dernières années, comme vient de le faire Laurent Varlouzet, cette question, quelle est la position de la France, elle est elle aussi fluctuante. Il n'y a pas une position unique, les gouvernements changent et évidemment le rapport à l'Europe et à des politiques européennes en matière économique et financière change également. Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a une question qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que il y a tout l'aspect de la sphère financière qui évolue différemment du reste de la sphère commerciale et économique de l'Europe. Mmh. Elle est un peu en décalage et la progression de la construction de l'Europe financière et monétaire va être beaucoup plus tardive que la construction de l'Europe commerciale et agricole. Mmh. Et donc la France est un peu en retard par rapport en queue de peloton, on peut dire. En queue de peloton, du point de vue de la libéralisation financière et de... par exemple, le contrôle des changes sera maintenu en France jusqu'au 1er janvier 1989. Donc c'est un pays qui va rester très longtemps fermé sur lui-même du point de vue des frontières monétaires. Et bon, il y a quand même des poussées, hein, des poussées, comme l'a rappelé justement Laurent Varlouzet. L'Europe ne s'est pas construite de manière linéaire. Hein. Il y a eu des avancées, des reculs, et souvent les crises ont joué un rôle, en fait, je trouve, d'approfondissement ou d'accélération de révélateur de la construction européenne, et notamment en matière monétaire, puisque on le sait, par exemple, dans les années 70, est créé d'abord le serpent monétaire en 1973, puis le système monétaire européen en 1979, alors que cette décennie est une décennie de crise. C'est d'ailleurs, Lorcan Wellcore, un des reproches qu'on a entendu en 2008, en 2008 et puis dans les années qui ont suivi, à l'encontre de l'Union européenne, c'est-à-dire cette manière peut-être d'attendre par esprit d'opportunisme une crise avant de pour pouvoir penser les solutions à ces crises qu'on pourrait malgré tout essayer d'anticiper un tout petit peu. Alors, moi déjà, je voulais juste apporter une précision, c'est l'Europe, c'est quelque chose, on en parle comme ça, c'est quelque chose d'un peu abstrait, mais derrière l'Europe, il y a beaucoup d'institutions avec des tensions entre elles. Donc il y a quand même le Parlement européen qui a progressivement pris un peu de pouvoir et d'influence, qui représente les citoyens. Et il y a d'autre part la Commission européenne, qui est un peu, bon, c'est vrai, là où se font les projets de loi, les réflexions et la mise en œuvre. Et il y a le Conseil des ministres européens, qui est vraiment l'entité politique. Et quelquefois, il y a des tensions entre le Conseil des ministres, le Parlement, et aussi l'administration de Bruxelles. Il y a quand même 27 000 fonctionnaires qui, en fait, font les lois, font les rapports et font avancer l'Europe, comme ils l'ont fait pour l'Europe monétaire avec le plan Werner, etc. Donc je voulais d'abord dire ça, parce que je trouve que c'est important de ne pas mettre... Effectivement, l'Europe dans un même panier, pourrait-on dire. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avancer? Mais c'est toujours le problème de la tension entre l'administration, je pense, européenne, qui est très... envie d'avancer sur la construction dans toutes ces dimensions, et les politiques qui ont tendance un peu à freiner parce qu'ils ont leurs propres préoccupations nationales. Et donc, leur propre agenda, pourrait-on dire, Christian Chevagneux. Voilà, politique. Il n'y a pas de cadre de résolution des crises dans le projet européen. C'est bien le problème, on l'a vu avec la succession des crises. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer encore de construire le cadre de réponse aux crises, qu'elles soient économiques ou financière. Et là, il y a une institution qui joue un rôle clé. C'est marrant que l'historienne nous dise, il y a le Parlement, il y a le Conseil, il y a la Commission et la Banque Centrale Européenne. Mais plus récemment. N'est pas là. Alors que c'est la seule institution qui vraiment a été capable d'agir au moment de la crise. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de plan de sauvetage global au moment de cette crise. Ça a même été le bazar total. Tout le monde a tiré dans son coin. Heureusement que Gordon Brown est arrivé un mois après la faillite de Lehman Brothers pour dire, écoutez, il y a peut-être une solution. Nicolas Sarkozy a repris les propositions de Gordon Brown. Il était au micro des matins de France Culture hier pour le raconter. Et de fait, il faut lui rendre cet hommage. Le dimanche qui a suivi le jeudi la proposition de Gordon Brown, il en fait une solution européenne et les Américains le reprennent le lundi. Donc il y a eu un moment clé de résolution de la crise la plus chaude avant que l'ensemble des pays européens n'essayent de répondre à l'effondrement des économies sans coordination, mais malheureusement en se coordonnant sans le faire vraiment, c'est-à-dire en suivant tous des politiques d'austérité malheureusement. Et avec une certaine maladresse, on se souvient d'une déclaration d'Angela Merkel qui disait qu'elle ne voulait pas s'occuper des canards boiteux justement et échapper à la possibilité d'un plan de sauvetage global. Ultralibéral, comme dirait mon voisin, c'était le côté des années 20 d'Andrew Mellon. La crise, c'est le moment où on liquide les canards boiteux, on s'en sortira mieux après, ça n'a pas du tout été le cas malheureusement. Oui, alors Laurent Varlouzet, justement, comment expliquer, on voit bien quels sont les cadres qui ont été posés par vous-même et par Lorcan Wellcore de ces multiples institutions qui ont des politiques qui peuvent être, disons, désordonnées, au moins, et qui n'arrivent pas à se coordonner. Quel effet fait cette crise de 2007-2008 sur ces institutions? Comment pouvez-vous les qualifier en fonction de leur réaction du moment et des mois qui suivent le début de la crise? Alors l'idée que je développe brièvement dans le livre à la fin, puisque mon livre porte sur les années 70-80, et à la fin j'essaie de tisser des lignes jusqu'à aujourd'hui de manière très impressionniste, c'est de dire que justement il y a toujours plusieurs lignes qui sont définies en fonction des institutions, en fonction des États, mais aussi en fonction de philosophies plus ou moins, disons, sociales ou keynésiennes, plus ou moins libérales. D'ailleurs, les libéraux eux-mêmes sont divisés, les ordolibéraux, l'école de Chicago, etc., etc. Donc voilà, il y a plusieurs lignes qui sont toujours mises en œuvre, parce que c'est intéressant. Oui. Elle s'incarne par des commissaires, elle s'incarne par des responsables ou des chefs de parti du Parlement européen. Parce que c'est ça aussi, c'est quelles sont les personnes qui d'une certaine façon mettent en œuvre ces politiques en question. Effectivement, il faut revenir aux personnes, leur biographie, mais souvent les personnes sont complexes et puis on peut avoir diverses interprétations. Bon, moi je m'intéresse particulièrement à la politique de la concurrence. Lorsque la commissaire européenne Margrethe Vestager sanctionne Apple, Google, bon, elle, c'est une libérale, hein, elle fait ça au nom du marché, donc on peut voir ça comme une politique très libérale, justement, mais pas complètement, parce qu'une partie des libéraux, l'école de Chicago, est hostile à ces interventions, et puis ça peut être aussi salué comme une politique finalement sociale, parce que ça revient finalement à taxer les grandes entreprises qui vont nous payer des milliards, qui vont rentrer dans le budget européen et servir à d'autres choses, par exemple à financer des projets sociaux ou régionaux. Vous expliquez bien dans votre travail, donc paru chez Routledge récemment, que la commission, par exemple, c'est une équipe d'individus désunis et sans manifeste commun. Et c'est ça qui vous apparaît le plus évident depuis la crise de 73, c'est que il y a là des gens qui sont nommés par leur propre gouvernement, souvent, qui sont arrivés dans cette commission avec des politiques qui peuvent être très variées, en l'occurrence, plus à gauche, plus à droite, plus centriste, etc. Et qu'au bout du compte, il n'y a pas de lettre commune sur lequel ou de texte commun sur lequel ils pourraient se référer pour décider de l'action qu'ils vont mener, et que le commissaire à la concurrence peut être, par exemple, très hostile au commissaire chargé des politiques industrielles ou des politiques agricoles. Et donc, cela crée des dissensions à l'intérieur, par exemple, de cette politique des commissaires. Oui, tout à fait. L'idée du livre, c'était aussi de prendre la commission sérieusement, pas juste comme une institution qui émane des États ou au contraire comme une espèce de regroupement de fédéralistes enthousiastes. Non, les commissaires européens, c'est un mélange de libéraux, de keynésiens, des fois des marxistes, d'européens, d'anti-européens, d'européens modérés, ils sont effectivement divisés, plus encore qu'un gouvernement. Au sein d'un gouvernement, il y a les mêmes divisions, hein, entre le ministre de l'Agriculture qui veut augmenter les subventions, le ministre des Finances qui veut les diminuer. Oui, mais il y a un discours de politique générale. Voilà, il y a un discours commun, parce que les gens ont été élus sur la même plateforme, ou ils ont conclu une alliance. Donc c'est pas du tout le cas à la Commission. En plus, vous ajoutez évidemment les différences nationales, hein. Politique industrielle, ça veut pas dire la même chose en fonction des différents pays, etc., etc. Anaïs Kien. Oui, Christian Chavagnon, on a bien entendu cette question de la solidarité au sein de l'Union européenne dans ce cas de crise financière, suivie d'une crise monétaire d'ailleurs quelques années plus tard, est loin d'être réglée. Pourtant, lorsqu'on considère ce grand marché qu'est cette Europe, lors d'une crise, tous les pays sont mis en péril à l'aune de la santé de ce grand marché dont tous profitent, puisque il faut peut-être rappeler quand même que tous les pays de l'Union européenne font l'essentiel de leurs échanges à l'intérieur même de cette communauté. Oui, tout à fait. Et ça réclamerait d'autant plus d'avoir des mécanismes de solidarité institués, parce que vous l'avez dit, lorsque la crise touche tout le monde, elle touche tout le monde, mais elle la touche de manière différenciée, parce que contrairement à ce que les économistes nous racontaient quand on a fait la zone euro, ça n'a pas induit une convergence de l'ensemble des pays. Plutôt, on s'est chacun spécialisé dans nos petits domaines. Les Allemands font des exportations de voitures, nous on commence à faire un peu de services, les Espagnols font autre chose, les Portugais, les Irlandais font autre chose. Malheureusement, le paradis fiscal pour l'Irlande, c'est la façon de s'insérer dans l'Europe. Donc chacun, en fait, est resté dans sa propre petite économie, ce qui rend difficile le fait d'avoir une réponse commune. Pour autant, vous l'avez bien dit, nous partageons un même projet économique européen et on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des institutions de solidarité. Alors ça commence depuis la crise de 2007-2008. On crée une sorte de fonds monétaire européen qui fonctionne comme le fonds monétaire international. On l'a vu avec le Portugal, on l'a vu avec l'Espagne. Vous recevez de l'aide financière, mais alors en échange, vous mettez de l'austérité à fond pour pouvoir bien rééquilibrer votre compte public. On l'a vu du côté de la Commission et du Parlement européen. Là, c'est les nouvelles règles de régulation. Nouvelles règles de régulation bancaire, mon voisin vient d'en parler sur la lutte contre les paradis fiscaux avec Margrethe Vestager. Et puis, nouvelle façon de faire de la politique économique, la BCE a été l'institution la plus originale. Qui aurait pu croire que la Banque Centrale Européenne allait se mettre à acheter des titres de la dette publique des États, à acheter des titres émis par les grandes entreprises européennes? C'était incroyable. Jamais dans les traités il y a ça. Et pourtant, Mario Draghi, avec son fameux discours de 2012, je ferai whatever it takes, tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver la zone euro, il l'a fait. Lorsqu'Ken Wellcore, alors justement, sur ces dissensions, tensions, pourrait-on dire, entre politique nationale et politique européenne, vous qui avez travaillé jusque très récemment sur les questions justement des politiques vis-à-vis par exemple de ce qui va se passer avec le Brexit, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces pas de deux, où à la fois des gouvernements font confiance à une institution par exemple comme la Banque Centrale Européenne parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour pouvoir soutenir la possibilité de contrer la crise, et en même temps s'en méfient parce que évidemment ça leur retire une partie de leur propre pouvoir, leur Ken Wellcore. Oui, ça, c'est un peu une spécificité française. Alors, quand je dis les gouvernements, c'est plutôt la France, vous voulez dire, c'est ça? Oui, oui, mais bon, parce que c'est ce que je connais le mieux, donc je préfère parler de ce que je connais. Mais peut-être c'est particulier à la France. Et la France a toujours voulu garder son autonomie de politique monétaire pendant très longtemps. Et donc, elle s'est ralliée à Maastricht voilà, en 1992, mais on le sait avec un peu de réticence de la part des citoyens. Et donc, effectivement... du coup, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle est toujours aussi en train d'essayer de garder un peu des préoccupations nationales et qui ne sont pas européennes en termes de choix de politique économique. Et on l'a vu, bon, par exemple en 1900 justement, François Mitterrand en 81-82 avait une politique de relance économique qui était complètement à contre-pied de celle des autres pays européens et des États-Unis, et il a fait le choix européen en 1983, et en disant bon, c'est historiquement, il faut que je pense qu'il s'est dit ça, il faut le faire, la France doit rester dans l'Europe. Et donc c'est vrai que la France a toujours un pied dehors, un pied dedans, et elle a voulu l'union monétaire avant l'union politique et budgétaire. Et maintenant, peut-être que c'est effectivement un problème. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que il n'y a pas eu vraiment de réaction, proprement des institutions européennes financières et monétaires pendant longtemps, parce qu'il y avait aussi une élite transnationale qui existait, de hauts fonctionnaires au sein du FMI, au sein de l'OCDE, mais commun aussi avec le comité monétaire de l'Europe, qui ont réussi à travailler, à faire un consensus progressivement dans les années 70-80, et qui ont joué un rôle prépondérant avant même que l'Union européenne ne naisse et ne s'affirme et affirme sa coordination en termes de politique économique et financière. Mais vous voulez dire que vous donnez raison à ceux qui disent qu'il y avait une sorte d'entente mondiale entre des grands argentiers qui pensaient ensemble, à la fois au FMI et en Europe, les politiques à mettre en œuvre, et en particulier ces politiques plus libérales, c'est ce que vous semblez dire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une recherche de consensus qui, bon, avec des tensions. Il y a des historiens qui vont travailler sur ces questions-là en étudiant très précisément les discussions au sein du FMI, au sein de l'OCDE. Et on voit très clairement, par exemple, une opposition entre les États-Unis et la France sur justement les questions de libéralisation financière, les questions de taux de change flottant aussi, parce que ça fait partie aussi de la libéralisation financière. Dans quelles années, ça, c'était ? Ça, c'est les années 70-80. Donc, ce sont des années importantes, je trouve, pour justement expliquer ces tournants libéraux qui sont pris, mais avec toujours des différenciations entre les pays et au sein de l'Europe également. En 2009, les frères Volo publient une chanson qui s'intitule « Régulé ». J'ai appris plein de choses pendant la crise financière. J'en connais maintenant sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses cicaves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, aujourd'hui on l'appelle Madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave. Allez, tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. On nous a dit plein de choses pendant la crise financière. Ça viendra pas chez nous, ça venait du ministère. Les commentateurs perdus dans leurs commentaires, les experts en analyse du tout et de son contraire. Que ceux qui ne comprennent rien expliquent à ceux qui pichent que dalle. Pour le manque de liquidité, demandez aux banques centrales. Si c'est une chute des cours, faut réserver fédéral. Quand le libéral appelle au secours et nous fait la morale, c'est le paradis fiscal. Allez, tous vous faire réguler. Vous nous faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. Faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. Un titre choisi par notre réalisatrice Anne Fleury, que je ne connaissais pas personnellement, mais que vous connaissiez déjà, Christian Chavagneux. Ah oui, très très bon choix. Moi, je suis un fan des Frères Volo et je signale aux éditeurs qu'il y a un deuxième disque qui est sorti il y a un an ou deux, je ne sais plus exactement, dans lequel vous trouverez une chanson qui parle de la réaction des institutions européennes à la crise. C'est pas mal, effectivement. Un nouveau genre, la chanson économique. Voilà, c'est ça, un nouveau genre. Laurent Varlouzet, quand on avance justement dans cette discussion, pourrait-on dire, sur la façon dont l'Europe, les institutions européennes, et on a bien dit combien elles étaient multiples dans cette résolution de crise, ont pu réagir. Vous qui avez classé les trois politiques qui étaient mises en œuvre, une politique plus sociale, une politique plus mercantiliste et une politique plus libérale dans les années entre 1973 et 1990, par exemple, vous voyez quoi à l'œuvre dans cette résolution de la crise de 2007 par l'intermédiaire des politiques qui ont été mises en œuvre, en particulier celle qui était décrite tout à l'heure de Mario Draghi à la BCE à partir de 2012? Alors, la réponse de l'historien est évidemment malaisée. Moi, je dirais que là, toutes les voies sont encore possibles. Ça fait penser aux années 30, là, le livre d'Olivier Dard sur les relèves des années 30, hein, une espèce de bouillonnement intellectuel. On a pensé à plein de solutions différentes après la crise de 29, la planification, les recettes keynésiennes, etc., etc. Et là, oui, c'est difficile, en fait, pour moi, comme je l'ai dit avec cet exemple-là, des décisions Google-Apple, déjà, vous pouvez les interpréter de manière différente. Mm-hmm. Hein. Ça peut être social, ça peut être néo-mercantiliste. On peut dire, ah oui, elle protège l'industrie européenne, ouais. Ça peut être ultra-libéral. Bon, alors, pour Google et Apple, c'est vrai que le néo-mercantilisme fonctionne moins, mais c'est plus sur sur d'autres décisions, d'autoriser des aides d'État européennes, par exemple, pendant la crise. Donc, oui, c'est une question d'interprétation. Et puis là, en plus, On est trop près, a priori. Oui, bah, du en tant qu'historien, c'est un peu la réponse facile. Et puis, se surajoute après aussi, au niveau de la régulation internationale, une espèce de crise, hein, quand même du système avec Donald Trump notamment, une crise du système établi après 45 qui interroge. Évidemment, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Alors que immédiatement après la crise de 2008, on avait l'impression que la régulation internationale allait se renforcer. C'est pas uniquement au niveau européen, mais aussi au niveau international, avec un peu de lutte, le CDE, la lutte contre les paradis fiscaux, des choses comme ça. Laure Kenwell-Corr. Juste à ajouter une précision à ce qui vient d'être dit par Laurent, c'est que et par vous-même, c'est qu'il ne faut pas oublier une étape importante, c'est 2010, la crise de la dette publique, qui est à mon avis une étape importante dans l'échelonnement de la crise. Hein, après la crise des subprimes, la crise bancaire, vient la crise de la dette publique, puisque les États en viennent soit à nationaliser les banques, soit largement les subventionner pour sauver le système bancaire mondial. Et donc, je crois qu'on a une étape importante du point de vue européen, puisque vont se mettre en place des mécanismes, hein, le Fonds européen de stabilisation en 2010, et ensuite le mécanisme européen de stabilisation, je crois, en 2012. Et donc là, on a véritablement l'institutionnalisation d'une coordination et d'une volonté politique commune, et je trouve que c'est une étape importante, voilà. C'est ce que je voulais souligner. Voilà, la crise de la dette publique qui est propre à la zone euro. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est cette crise de dette publique. C'est-à-dire que l'Europe avait établi des critères. On ne devait pas dépasser 3%. Ça, c'est pour le déficit budgétaire et 60% de dette publique. En fait, une grande partie des pays de l'Union européenne ont dépassé les critères préétablis par l'Union européenne. Plus que ça, oui. Oui, je suis entièrement d'accord. On était à 14%. Je suis entièrement d'accord pour dire que 2010, c'est une étape importante. Mais pourquoi? Parce que fin 2009, on a la crise grecque qui démarre et les Européens sont complètement à la ramasse pour gérer cette crise grecque. On fait n'importe quoi. Alors, bien évidemment, on découvre que le déficit budgétaire de la Grèce, c'est pas 6-7% comme il disait, mais 14% avec le nouveau gouvernement qui arrive et qui nous donne les nouveaux chiffres. Et là, il y a une chose à faire. On le sait. Même le Fonds monétaire international l'avait dit au début des années 2000. C'est une crise de dette publique. Le pays arrête de rembourser. On met tous les créanciers autour de la table. On réduit une partie de la dette, on demande en contrepartie des politiques un peu plus rigoureuses pour éviter que le déficit s'accumule année après année, la dette s'accumule année après année. Et là, les Européens font tout l'inverse. Ils forcent les Grecs à une austérité absolument incroyable qui va devenir malheureusement le modèle de gestion de la crise de la part des États. Autant la Banque Centrale Européenne faudra attendre 2012, mais au moins à partir de 2012, elle va dans le bon sens, les États vont rester à partir de cette crise de dette publique européenne dans des politiques d'austérité drastiques qui vont renforcer encore les déficits et les dettes. Mais d'ailleurs, la Grèce fait figure de martyr de cette politique européenne de règlement de cette crise monétaire. Complètement. Et à contrario, on voit l'Islande qui hésitait encore sur la question de son adhésion à l'Union européenne, qui a fini par retirer sa demande d'adhésion après cet épisode de crise, j'en perds la voix. L'Islande a bénéficié quand même d'un atout extrêmement important, c'est que conservant sa propre monnaie nationale, elle a pu dévaluer sa monnaie. Et en dévaluant sa monnaie, on regagne tout de suite de la compétitivité. Ce qui est impossible dans le cadre de l'euro. Ce qui est impossible dans le cadre de l'euro, sauf si les politiques de la Banque Centrale Européenne, en coordination ou pas avec les autres politiques des banques centrales, font que l'euro tombe ou pas. Il n'y a pas une volonté d'avoir une politique de change. Alors que l'Islande a pu avoir une politique de change pour gagner en compétitivité. Qu'est-ce qu'on a dit aux Espagnols, aux Portugais? Comment ne pouvait pas dévaluer la monnaie, qu'il fallait regagner de la compétitivité. On leur a dit quoi? Vous allez baisser vos salaires. En effondrant vos salaires localement, vos prestations sociales, en flexibilisant votre marché du travail, vous allez regagner de la compétitivité. Et ça a été terrible. On voyait l'Espagne avec un déficit, plus d'austérité, un déficit plus grand, plus d'austérité, un déficit encore plus grand. Ça a été la catastrophe. Laurent Barlouzet et Laure Kenwell-Corr sur ces questions. Oui, ces processus de dévaluation interne. Ce qui est intéressant, c'est que les historiens ont commencé à étudier un peu cette crise de 2008. Là, il y a eu deux livres par Barry Ashengreen et Adam Tooze, qui d'ailleurs étaient plutôt des historiens des années 30. Adam Tooze, dont le livre est sorti la semaine dernière, il y a trois semaines environ, puisque c'était fin juillet, et qui s'appelle Crashed, et qui est une analyse justement de cette crise vue de cet historien qui est né en Grande-Bretagne, mais qui enseigne à Princeton, qui sort en français mois de septembre. Ah, il sort en français aussi. Tout de suite. D'accord. Et les deux mettent l'accent effectivement sur ce sur tournant austéritaire trop précoce et trop important, trop dur, qui justement a plutôt amplifié la crise qu'il ne l'a allégée. Ce que je voulais dire aussi, il y a une institution qui revient souvent, c'est le FMI là depuis le début, et puis on a parlé du MES, du FESF. En termes de régulation finalement institutionnelle de la mondialisation, on voit bien que il manquait effectivement à l'Europe cette compétence en matière de crise financière. C'est pour ça qu'on a fait appel au FMI pour régler des problèmes internes à la zone euro, et d'où la volonté de créer un fonds monétaire européen, même si, paradoxalement, beaucoup de pays, notamment du Sud, estimaient que le FMI était trop européen, en fait, avec un directeur ou une directrice générale européenne, des droits de vote extraordinaires pour les Européens, pour les Occidentaux en général. Donc il y a une ambiguïté sur le FMI, institution occidentale ou mondiale. Rappelons-nous qu'au moment de la crise, Dominique Strauss-Kahn devient président du FMI et qu'il lui succède ensuite Christine Lagarde, qui sont effectivement deux anciens ministres français. Et qu'il y a effectivement une dimension assez européenne à ce Fonds monétaire international. D'ailleurs, pour la crise grecque, c'est Dominique Strauss-Kahn qui va faire la première... premier voyage en Grèce auprès de son ami de l'international socialiste Georges Papandréou à ce moment-là, pour un premier règlement de la crise qui est beaucoup moins dur que ce que connaîtra la Grèce plus tard, Christian Chavagneux. Tout à fait, c'est vrai pour l'Irlande. Moi, j'avais parlé avec un syndicaliste irlandais au moment de la gestion de la crise irlandaise et qui nous disait, mais les pires des pires, ceux qui veulent libéraliser le plus, ceux qui veulent le plus d'austérité, c'est pas le Fonds monétaire international, c'est la Commission européenne. Rappelons-nous que l'économiste en chef du Fonds monétaire international à l'époque, c'est Olivier Blanchard, aussi un Français, qui va dire, mais si, lorsque vous faites de l'austérité, ça va mieux, et qui, quelques années plus tard, va nous dire, je me suis trompé. Il va reconnaître publiquement qu'il s'est trompé et qu'on a mis trop d'austérité en Europe. Laure Kenwell-Corr, justement, sur ce que cette crise apporte, puisque, on l'a compris, chaque crise nécessite un règlement, mais peut-être aussi la création de nouvelles institutions, apporte à ces institutions européennes dont on parle depuis le début de cette discussion, Laure Kenwell-Corr. Oui, donc les innovations financières apportent les crises et les crises apportent des innovations réglementaires. Hein, c'est un peu ce qu'on peut dire. Du point de vue, on l'a vu, hein, donc du point de vue des mécanismes de stabilisation pour essayer de régler la dette publique. Donc là, on a aussi la mise en place quand même de mécanismes, de directives de régulation bancaire, hein, donc notamment de la part du Parlement européen, là qui a pour une fois joué un rôle important, et la création d'une autorité aussi de supervision bancaire qui est à Londres en 2011, mais qui après le Brexit est censée venir à Paris, parce que justement Paris a un rôle à jouer du point de vue de la réglementation bancaire, de la supervision bancaire. parce que le système bancaire français est considéré comme assez relativement stable par rapport aux autres systèmes bancaires européens. Il a moins souffert que les Britanniques et les Allemandes de la crise des subprimes, parce qu'il était moins exposé. C'est-à-dire que la Deutsche Bank était quand même la très Deutsche exposée, Bank par était exemple. Très exposée. Et le reste. Anglaise aussi, et, voilà. Et les Anglais, évidemment. Et les Anglais, évidemment. Donc, Paris a un rôle, mais ça, c'est un phénomène historique, je dirais. Paris a toujours voulu, toujours, en dépit de la grosse crise du Crédit Lyonnais, a toujours eu cette réputation de sécurité, de peut-être trop réglementer ses banques, mais du coup, après les crises, on y voit des avantages. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et d'autre part, toujours la continuation de cette élite transnationale dont j'ai parlé depuis les années 70, on le voit aussi à travers la Troïka, donc qu'on a évoqué, dont Laurent a parlé, donc le FMI, la BCE et la Commission de Bruxelles qui agissent de concert, et on retrouve un peu toujours les mêmes experts qui agissent dans le même sens. Voilà. Christian Chavagneux. Oui, c'était juste pour apporter un petit détail. L'autorité bancaire européenne qui est à Londres aujourd'hui et qui va venir à Paris regarde l'évolution des systèmes bancaires en général. Pour ce qui est de la supervision vraiment des banques, on va aller regarder si les banques prennent pas trop de risques ou pas. Là, c'est à Francfort et c'est encore une Française, Danielle Douy, jusqu'à la fin de l'année, qui dirige cette institution mais qui va quitter son poste. Ce qui est intéressant, alors Ken Welcor, c'est que vous avez travaillé justement sur cette place financière de Paris tout au long du XXe siècle. Il ne faut pas minimiser les volontés des uns et des autres de tirer la couverture à eux, même dans le cadre d'une Europe qui s'unit de plus en plus. Vous montrez bien combien tout au long du XXe siècle, la bagarre entre Londres et Paris, par exemple, a été perdue dans un premier temps par Paris en matière de place bancaire et financière, mais que cela pourrait, à la faveur du Brexit, changer. Donc il y a toujours des tensions internes, c'est-à-dire que le national ne s'éclipse pas complètement sous l'européen, c'est le moins qu'on puisse dire. Si l'on considère le Brexit, d'ailleurs, c'est flagrant. C'est assez flagrant. Tout à fait. Oui. Donc là, on peut effectivement parler du Brexit comme une des conséquences indirectes de la crise financière de 2007-2008. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. La montée des populismes, et notamment du Brexit, est importante. Alors, du point de vue des conséquences pour la place financière de Paris, bon, qui a cherché à être international. On n'est pas dans le national opposé à l'européen, mais on est dans la compétition mondiale. De place mondiale et qui essaye d'avoir une place mondiale. Mais enfin, Paris, maintenant, si elle a une place régionale, c'est ça très bien. Ça sera déjà bien. Mais ce qui est intéressant, là, du point de vue de l'Union européenne, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est de dire que l'Europe n'a jamais voulu d'une seule place financière européenne. Elle s'est toujours opposée, la Commission européenne s'est toujours opposée aux fusions, par exemple, entre Deutsche Börse et Euronext, Deutsche Börse et Nice Euronext ensuite. Par deux fois, elle s'est opposée à cette fusion, par esprit de concurrence dont parlait Laurent Varlouzet. Et donc, c'est intéressant parce que, du coup, l'après-Brexit... On a continué à jouer à la concurrence entre places européennes, vous voulez dire, au lieu de trouver une place plus forte, peut-être, mais unique pour l'Europe. Tout à fait. Et du coup, l'après-Brexit donne ses chances à plusieurs centres européens, à mon avis. Peut-être pour continuer cet essai d'histoire du temps présent, Laurent Varlouzet, justement, on parlait de ce Brexit. Est-il, selon vous, effectivement, une des conséquences de ces crises à rebondissement depuis 2007 ? En partie, oui. D'un autre côté, il traduit aussi des dynamiques de plus long terme, en termes de rapport des Britanniques à l'Europe. Les Britanniques se sont toujours sentis en partie dans et en partie en dehors de l'Europe. Ils ont un rapport plus instrumental, en fait, moins idéaliste, mais qui est lié de toute façon à leur histoire. Ils n'ont pas perdu la Deuxième Guerre mondiale. Bon, nous, on l'a gagné, mais en étant envahi en 1940... En un mois, en étant occupé pendant 4 à 5 ans. Donc, si vous voulez, pour les Britanniques, il n'y a pas eu ce sentiment d'un déclin, d'une nécessité de remise en cause complète de leur système national après 1945, ce qui fait que ils se sont intéressés à l'Europe, ils ont participé à la coopération européenne. Attention, il ne faut pas réduire l'Europe à l'Union européenne. Par exemple, les Britanniques ont joué un grand rôle dans le développement du Conseil européen, la législation européenne sur les droits de l'homme, mais ils ne voulaient pas se lier autant que les Français ou qu'évidemment les Allemands, les Italiens, à des disciplines européennes communes. la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, ah, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'aux bébés chanter joyeux, ah la la la la, et répéter en chœur. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. Peu de cohérence dans ce grand désordre européen. Nous diffusons La crise est finie. Là, c'est la version de Ray Ventura et ses collégiens en 1934. On avait diffusé lundi avec Pierre-Cyril Auqueur la version de Albert Préjean, sachant que c'est une scie des années 30, puisque Daniel Darieux l'a chanté également. Est-ce que la crise est finie ou est-ce qu'on peut savoir quand une crise se termine, Christian Chavagneux? Bah, la crise, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, elle est multidimensionnelle. Donc, est-ce que la crise économique est finie? Oui, on peut dire que les effets de l'austérité dans l'ensemble des pays européens sont maintenant atténués, que beaucoup de pays européens ont même basculé de l'autre côté. On est plutôt dans des politiques publiques qui soutiennent l'activité. Est-ce que la crise financière est finie pour l'instant? Oui. Et honnêtement, peut-être que je m'engage un peu trop fort, je ne vois pas de lieu dans la finance mondiale aujourd'hui qui serait susceptible demain matin de nous faire une grande crise financière. Est-ce que la crise sociale est finie? Alors là, la réponse est clairement non. Beaucoup de pauvreté dans tous les pays européens, beaucoup de flexibilisation du marché du travail qui vont impacter. C'est le Fonds monétaire international qui a sorti une étude de pas plus tard que la semaine dernière nous disant chaque fois qu'on déréglemente les marchés du travail, les salaires en prennent un coup dans les 5 années qui viennent. Donc voilà, cette crise sociale, elle n'est pas terminée. La crise financière, elle est pour l'instant maîtrisée. Et la crise économique, elle est pour l'instant maîtrisée aussi. Est-ce qu'il y a des débats qui continue au sein des institutions européennes et entre les gouvernements et les institutions européennes sur justement la nécessité, peut-être dans la foulée de cette crise, de continuer à structurer, à développer des institutions qui permettraient ou qui empêcheraient justement l'arrivée de nouvelles crises d'un nouveau type, tout en sachant évidemment que on ne sait pas quelle forme prendraient ces nouvelles crises, soit monétaires, soit financières. Oui, on n'a pas fini le travail qui consiste à essayer d'établir une institution qui nous permettrait d'être bien protégés en cas de nouvelles crises financières. On a commencé, mais le travail n'est pas terminé. Le débat continue. Et de ce point de vue, le nouveau superviseur européen des banques en Europe fait du bon travail en allant dans les techniques un peu statistiques bizarres des banques en leur disant « Attendez, vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous ne vous protégez pas assez en cas de crise. » Et puis du côté, malheureusement, des pays européens et du Conseil, je ne vois pas beaucoup de dynamique politique aujourd'hui. Oui, Laure Kenwell-Corr, vous expliquez bien dans vos travaux multiples que, disons, cette innovation, cette invention, pourrait-on dire, de nouveaux produits financiers, par exemple, va beaucoup plus vite que la façon qu'on pourrait avoir de les contrôler, et que ça a toujours été le cas, en particulier depuis les dernières crises des années 2000 et donc 2007-2008. Oui, ça remonte bien au-delà, hein, ça on peut même remonter au siècle dernier. C'est vrai qu'il y a une espèce de cercle un peu infernal où, effectivement, il y a une course poursuite entre les... À l'innovation. Voilà, une course à l'innovation et à la réglementation. Et à chaque fois, bon, on a l'impression que les marchés sont très créatifs et ils arrivent à contourner les réglementations, créer de nouvelles innovations et donc c'est ainsi de suite. Mais là, bon, on est peut-être arrivé à un stade un peu particulier parce que c'est une énorme crise, la plus grande depuis 1929. Et bon... Peut-être, moi je suis peut-être un peu moins optimiste que Christian Chavagneux sur la perspective d'une crise financière. Elle sera peut-être moins forte que celle qu'on a eue, mais de toute façon on n'est jamais à l'abri des bulles spéculatives qui éclatent ça et là. Mais je pense que les marchés hors Europe, en tout cas, restent très forts et très peu régulés, et que c'est toujours un risque, et que l'Europe elle-même, elle a du mal à protéger, et c'est ce qu'on lui demande, hein, de protéger, et c'est un peu compliqué. Juste dans une brève histoire des crises financières que vous avez mentionné, le bouquin, moi, ce dont je me suis aperçu, une des leçons, c'est que c'est vrai que l'innovation financière va toujours plus vite que les régulateurs, mais entre le moment où il y a des nouveaux produits financiers qui vont permettre de monter des bulles spéculatives et de faire n'importe quoi, et le moment où vraiment ça va devenir une spéculation, il se passe 5, 6, 7, 8 ans. Il se passe beaucoup d'années. Donc, l'innovation financière ne devient une source de crise que si les régulateurs ne font rien, que si les politiques ne veulent pas réguler. C'est-à-dire qu'ils ont théoriquement le temps. Il y a toujours le temps. Vous savez, les produits financiers sophistiqués qui ont donné la crise des subprimes de 2007-2008, on sait parfaitement, on sait qu'ils ont été inventés en 1994 par la banque JP Morgan dans tel hôtel à tel moment. On le sait. Donc 94-2007. 94-2007. En 98, il y a une régulatrice européenne qui va voir Clinton, américaine qui va voir Clinton qui lui dit, Monsieur le Président, le truc là que nos banques sont en train de développer, demain si on les laisse faire, ça va donner une crise bancaire mondiale. Elle a vu en 98. Malheureusement, Clinton, mal conseillé, dit, oh ben non, il faut laisser faire. Bah, il faut dire qu'il a été conseillé par quelqu'un qui a rejoint ensuite Citigroup. Et qui venait de Goldman Sachs et qui a rejoint Citigroup. Donc, si les régulateurs veulent, ils peuvent réguler. Anaïs Kier. On est sorti de cette crise à plusieurs titres, Christian Chavagneux, mais est-ce que finalement, la crise qui n'est pas terminée, c'est la crise de confiance, la crise de l'utopie européenne qui en a pris un sacré coup dans l'aile à l'aune des discussions et des frilosités sur les questions de solidarité à l'intérieur de l'Union. Mais ça, c'est très clair. Qu'est-ce que nous propose aujourd'hui le Conseil européen? Est-ce qu'on a besoin d'un ministre des Finances Europe? Enfin, que des choses techniques, tout à fait économiques, c'est pas ça le projet européen. Moi, j'ai une fille de 18 ans qui me dit, est-ce que je dois être européen? Est-ce que je dois être européenne? Honnêtement, quelle est la réponse qu'on peut lui apporter aujourd'hui? Il n'y a plus de projet politique européen. Nos dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur de la crise. Laurent Varlouzet, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé sur cette longue durée, pourrait-on dire, des politiques européennes face à la globalisation, face à la mondialisation? Moi, je dirais que y a deux choses. D'abord, c'est vrai que les ressorts du projet européen sont là, mais ils sont tellement évidents que faut-il s'en saisir. C'est la notion de déclin de l'Europe, de paix, mais bon, ça devient un lieu commun. Mais bon, il y a eu des guerres en Europe encore il y a peu de temps avec l'ex-Yougoslavie ou l'Ukraine. Mais la question qui nous intéresse particulièrement pour la crise, c'est celle des régulateurs. Vous en parliez, Christian Chavagneux. Qui sont les régulateurs et comment? Donc comment, c'est voilà, plus ou moins, disons, keynésien, social. Enfin, après, chacun trouve un adjectif. Et qui? Parce que c'est pas parce qu'on crée une institution qu'elle a du pouvoir. Juste après la crise, on parlait beaucoup du G20. Bon, oui, les gens se réunissent, les 20 plus grands pays du monde, mais après, qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a eu des décisions, quand même, c'est vrai, mais c'est pas devenu un gouvernement mondial. Idem au niveau européen, on va peut-être créer un fonds monétaire européen, bon, très bien, mais quels seront ses pouvoirs, quel budget? Donc, vous voyez, il y a toujours... Et puis, quelle interprétation des traités? Là, on parlait tout à l'heure du rachat de dettes par la Banque Centrale Européenne. Bah, c'était pas prévu, c'est ce que disent certains Allemands. D'autres disent que si, en interprétant les traités dans une certaine mesure, on peut... C'était prévu. Donc, vous voyez, qui régule et comment, en fait? C'est ça, les questions qui restent ouvertes. Un dernier mot, Laure Canuel-Cor, justement. Je voulais justement ajouter un mot sur un contre-pouvoir dont on n'a pas parlé, qui sont les groupes de pression privés et qui jouent un rôle éminemment important à Bruxelles, notamment ceux qui sont anglais ou américains. Et bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Et on en parle beaucoup en ce moment. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que les lobbies des chasseurs, c'est ça? Il y a d'autres lobbies. Ça existe, et notamment dans le domaine bancaire et financier, soit par des organisations internationales, soit des firmes elles-mêmes qui s'implantent à Bruxelles, soit par des organisations diverses et variées, mais et des cabinets de juristes aussi. Donc ça, c'est un élément important qui explique aussi que les régulateurs sont freinés un peu dans leur régulation, et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Merci. Je rappelle que vous avez participé et co-dirigé le numéro de 20e siècle, la revue sur 1983, un tournant libéral, que vous êtes directrice de recherche au CNRS et que vous êtes auteur, entre autres, de La place financière de Paris. Laurent Varlouzet, vous allez me dire le titre de votre livre qui vient de paraître chez Routledge. Alors, c'est Gouverner l'Europe dans un monde qui se globalise, Governing Europe in a Globalizing World. Et puis, pour vous, donc, Christian Chavagneux, le numéro de Alternative Économique sort demain sous le titre « Faut-il encore avoir peur de la finance ?» à propos de la crise de 2008. Et vous êtes l'auteur chez La Découverte d'une brève histoire des crises financières des Tulip of Subprimes. Demain, nous reviendrons sur un cas particulier, rappelant à nos auditeurs fidèles que désormais le documentaire, c'est le jeudi, et vous avez fait un documentaire, Anaïs Kien, avec Anne Fleury. Et donc, on commence par l'Islande. L'idée était de revenir sur ce que la crise financière qui a vu se crasher l'Islande avait interrogé de l'histoire de l'Islande et de l'identité islandaise. Cette Islande qu'on a beaucoup décrit comme la championne, justement, de sortie de crise, puisque en quelques années, elle s'est relevée d'un terrible crash financier qui a gravement menacé son indépendance, chèrement gagnée en 1944, donc très récemment. Un extrait de votre documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Alors ça s'est passé comme ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. D'abord c'était un peu le désespoir et puis on ne savait pas à quel point chacun serait atteint dans ses finances propres. Moi en tant que fonctionnaire, donc mon pouvoir d'achat a baissé de 12 ou 15%, mais j'ai gardé mon emploi. Beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Je sais qu'au début, après la crise, il y a eu toute une rassemblée des Islandais, on voulait regagner la morale, respecter les dignités, etc. Tous ces vieux principes qui datent de Hostel et les Romains. Mais ça a vite été oublié. Hein. Quand les touristes commençaient à venir, on a vite oublié tous ces principes. Et là, ça a tout recommencé. Une nouvelle boule qui se gonfle, qui attend d'exploser. Oui, on s'est dit, tous ces hommes sont des monstres. Les femmes, elles sont corrompues aussi. Hein. Il y a pas que les hommes. Il y a des femmes très intelligentes. On verra ce que les femmes vont faire. On verra. C'est sûrement aussi une culture, parce qu'on n'est que 300 000. Hein. Tout le monde a un coussin, un ami quelque part, et c'est difficile de vraiment forcer quelqu'un de démissionner ou prendre sa responsabilité. C'est-à-dire, on a fait chuter notre gouvernement, on a mis les banquiers, certains banquiers en prison, mais ils ont passé quelques années en prison, mais ils ont gardé leur compte offshore. Hein. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Alors, comment ça s'est fait? Je dis toujours que les Islandais sont devenus très intelligents en octobre-novembre 2008, puis en 2013, c'était fini, quoi. L'héritage historique dont bénéficie l'Islande est tellement riche et puissant qu'ils peuvent, reformer leur mythologie, la réagencer, ils peuvent la reconstruire, oui. Oui. Et ils ne se sont pas gênés, du coup, bien sûr, après 2008. Demain donc, le documentaire d'Anaïs Quien et Anne Fleury pour conclure notre série sur la crise de 2008 enregistrée à Reykjavik autour du cas islandais, c'est-à-dire la façon dont une crise, on l'a expliqué, peut avoir des effets sur une société, et en l'occurrence cette société islandaise. Cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Jean-Frédéric nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, télécharger cette émission sur le site de France Culture, le réseau Facebook, et bien notre adresse, donc c'est sur Facebook, c'est les Amis de la Fabrique de l'Histoire, et puis également, vous pouvez nous suivre sur le réseau Twitter à Fabrique FC, à demain.